BKGU, Radio Pokajo International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. Bonjour, messieurs, dames, soyez les bienvenus. Vous entendez la Radio Pokajo Internationale. Je suis Melissa Suarez del Real, très contente de vous accueillir de nouveau. On vient de commencer notre émission avec une version assez particulière de Je t'aime, moi non plus, avec le Sexteto Electronico Moderno. On a voulu choisir ce morceau parce qu'aujourd'hui on va parler du rocopé. Ce mot pokajoutien qui en fait ça veut dire quelque chose comme l'écriture de l'amour. Normalement on utilise ce mot pour parler de toutes les représentations érotiques, et soit écrites, soit en photo, en cinéma ou en musique. En français on pourrait le traduire peut-être comme pornographie, mais en fait à Pokajou ça n'a pas du tout le même sens. C'est pas du tout négatif ni péjoratif. On considère en fait le rocopé comme une autre des beaux-arts. Et en fait, il s'agit de la forme d'art la plus ancienne du Pokajou. Si vous venez jamais à Pokajou, vous allez trouver dans les grottes de Huacara, très proche de Punta Canica, les premières peintures que les natifs pokajoutiens ont dessinées ça fait 10 000 ans. Et là, vous pourrez voir des hommes et des femmes qui se touchent entre eux. Vous allez aussi trouver des représentations de feuilles de trompera, le fruit national de l'île, dont on pense qu'ils ont des propriétés aphrodisiaques, ou au moins qui aident à la fertilité. Donc, on les offre aux mariés pendant leur fête de mariage. Par contre, le rocopé, c'est la forme culturelle de l'île qui a eu beaucoup de problèmes pour être exporté en dehors de l'île. Peut-être pour des raisons religieuses, on n'est pas sûr. Mais il y a des gens ailleurs, en dehors du Pokajou, qui n'acceptent pas très bien cet érotisme aussi ouvert. Et alors, plusieurs chefs d'œuvre de la littérature, comme Viens avec moi au jardin, le roman Rocopé de Calliope Kepek ou Laisse-moi te voir de profil, ont été censurés à l'étranger pendant déjà 100 ans. Et c'est pareil avec les films qui sont considérés cultes à Pokajou, par exemple Se connaître dans un train, qui n'ont jamais pu sortir de nos frontières. Mais ça commence à changer peu à peu, spécialement après que la chanteuse mexicaine Chavela Vargas chante Ma Colina, une chanson qui était partie de la musique du film de 1930, Mais t'as mort ici. Ponme la mano aquí, Ma Colina. Escapaba tu saya buscando la gorda raya que al ver tu talle tan fino las cañas azucares se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Ma Corina, ponme la mano. Ponme la mano aquí, Ma Corina, ponme la mano. Tus senos, carne de anón, tu boca, una bendición de guanábana madura, y era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano, Ma Corina. cara, ponme la mano. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Después el amanecer que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel lanzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme. On est de retour à la radio Pocahontas International. Je suis Melissa Suarez del Real et aujourd'hui on parle du jocope, cette forme d'art érotique du Pocahontas. Ponme la mano aquí ou mets ta main ici, c'est le nom du film du réalisateur Carmelo Tupac qui a embauché Macorina, une femme très célèbre à Cuba pendant les années 30, qui était célèbre parmi d'autres choses pour être la première femme qui avait les permis de conduire. C'était d'ailleurs une femme très très belle qui a joué un rôle très intéressant dans son film. Et quand Chabela Vargas l'a découverte, elle a décidé de faire sa propre version de cette chanson que en fait on vient d'écouter. Il y a une autre chanson, Pocahontienne, qui a dépassé les frontières de notre île. On parle de Ay José de la Orquesta de Machito avec la mythique Graciela. C'est une chanson qui parle très graphiquement de la relation érotique d'un couple pendant leur cours de danse. Et c'est une chanson qui est inspirée d'une peinture rococo du XVIIIe siècle où l'on représente la danse rituelle du sexe. Mais par contre, les étrangères ou en dehors de frontières pocahontiennes, on considère cette chanson comme simplement une chanson sur un couple qui est en train de danser. C'est justement grâce à ça que cette chanson a pu être connue ailleurs, parce que grâce à ça, la censure ne l'a pas touchée. En tout cas, à Pocahontas, on considère cette chanson un chef-d'œuvre du rococo, bien sûr, et il est très important de dire pour ces personnes qui nous écoutent en dehors de l'île, que les artistes qui travaillent sur cette forme artistique ont une considération très spéciale parmi le monde de la culture. C'est pour ça que Graciela, qui on va entendre tout à l'heure, a reçu le doctorat honoris causa du département Jocope de l'université de Pocahontas. Ay José, así no por favor. Ay José, hazlo otra vez. Ay José, así no es. Ay José, así no es. Ay José, qué rico es. Ay José, qué cosa es. Ay José, hazlo al revés. No sé. Que su Gracielita se lo va a enseñar todo muy bien. Póngame la manito aquí ahora. apriétame un poquitico más. No tengas miedo, acércate. Acércate así, Joséito, que yo te voy a enseñar muchas cositas buenas, sí. Ahora date una media vueltecita, así. Así, no, no lo hagas al revés, mi amor, así no. Así súbeme un poquitico más la mano aquí, súbela así, así. Ay, pero no me aprietes que no puedo respirar, José, espérate. Suéltame, suéltame un poquitico. Ay, sí, así, así. Siga la clasecita ahora, papá, vamos. Como le dice Graciela, para que usted prenda pronto. Tú ves qué bueno es, papá, sí. Aprieta un poquitico más. Pégate un poquitico más, no tengas miedo. Así, sube un poquito más la mano. Aquí, saca tu piececito así. Ponme la manito aquí, súbela, súbela, súbela, papá. Súbela así. Anda, Joséito. Ay, cómo está prendiendo, negro. Ay, José. Así sí es. Ay, José, hazlo otra vez. Ay, José, ya lo aprendiste. Así, papito, así. José, así. Dans certaines régions ou pays, l'art érotique est quelque chose de mauvais, de mauvais goût, ou simplement quelque chose dont on ne parle pas. Par contre, Pocahou, c'est le contraire. C'est une forme d'art qui a une valeur très spéciale, où les artistes qui travaillent sur ces sujets sont considérés comme des gens spéciaux avec un lieu privilégié parmi la culture pocahontienne. Pour ceux qui nous entendent en dehors de l'île, une chanson qui ailleurs pourrait être considérée comme de mauvais goût ou vulgaire, à Pocahou, elle est jouée normalement dans les réceptions avec le Maharaja. D'ailleurs, il y a aussi un organisme institutionnel, le Plojokope, qui donne des résidences et des bourses pour des artistes qui sont en train de développer des œuvres érotiques. Toutes sortes de films, musique et littérature érotique est à leur disposition dans cette institution. Et il y a même une association qui organise des rencontres sexuelles, volontaires bien sûr, entre des inconnus. Tout pour aider aux jeunes artistes à s'inspirer et à trouver de nouveaux sujets de travail. Naturellement, c'est une institution publique et elle est soutenue avec l'aide des citoyens et de leurs contributions. Et c'est l'une des institutions les plus valorisées de l'île. Avant de finir, je voudrais vous laisser avec un morceau qui en fait a déclenché un problème diplomatique avec un ambassadeur. Parce que bon, dans certains fêtes, une femme a dédié cette chanson à monsieur l'ambassadeur d'une république étrangère. Et il n'a pas aimé, bien sûr, parce que la chanson s'appelle « Pantalon chaud ». Et en fait, cette femme le faisait avec toute l'innocence. Elle pensait qu'il venait toute seule et qu'il il était en train de chercher une petite amie, une copine. Alors, elle lui a dédié cette chanson, mais ça a été bien sûr mal pris. Finalement, la crise diplomatique a été résolue. Et bon, vous allez entendre « Pantalon caliente » ou « Pantalon chaud ». C'est une chanson qui, après la crise démographique, qui s'est passé à Pocahou après une épidémie très importante, est devenue une des chansons préférées du Maharaja parce que bon, elle invite aux gens à se reproduire. On va entendre Pantalon Caliente de Ángel Vázquez y su conjunto. Merci de nous avoir accompagnés. Je suis Melissa Suárez del Real. À la prochaine. Ya se quieren encuerar. La muchacha con los pantalones calientes va, no les importa nada, no les importa nada. La muchacha con los pantalones calientes va, no les importa nada, no les importa nada. La mujer está quedando, ya con poco que mostrar. Los hombres estamos cuidando el criterio por demás. La muchacha con los pantalones calientes va, no les importa nada, no les importa nada. La muchacha con los pantalones calientes va, no les importa nada.